Les cours sont publics et nous ne décernons aucun diplôme. Nous sommes un lieu d'enseignement de haut niveau dans les disciplines les plus variées. Des cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Dès les fonds baptismaux sur lesquels il a été créé, le Collège de France a donc été un lieu de libre pensée. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. D'où vient le virus Ebola ? Quelles ont été les recherches, l'investigation autour de la première épidémie en 1976 au Zaïre ? Puis les recherches sur les réservoirs animaux en Afrique centrale, s'interroge Arnaud Fontané. Quelles ont été les épidémies d'Ebola rattachées à des animaux infectés au Gabon et au Congo entre 2001 et 2003 ? Professeur au Conservatoire national des arts et métiers et à l'Institut Pasteur, Arnaud Fontané est titulaire de la chaire annuelle Santé publique au Collège de France. Il est l'un des spécialistes les plus renommés de l'épidémiologie des maladies émergentes. Nous voici arrivés au terme de sa série consacrée aux pandémies. Il revient sur Ebola, une maladie particulièrement effrayante du fait de ses manifestations cliniques à type de fièvre hémorragique et du taux de mortalité très élevé qui lui est associé. Alors, où en est la recherche et quels sont les enseignements des dernières épidémies sur les méthodes de contrôle autour du virus Ebola ? Comment sécuriser les enterrements alors que les cadavres s'avèrent très contagieux ? Nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 18 mars 2019 pour le cours d'Arnaud Fontané intitulé « Ebola, une épidémie après l'autre ». Donc aujourd'hui on va parler d'Ebola, ça va être la dernière conférence sur ce cycle sur les pandémies. Alors le virus Ebola, il n'est pas nécessaire de le présenter, c'est déjà un des virus qui a été au cœur de la création de la définition des maladies émergentes. Rappelez-vous que vers la fin du XXe siècle, les maladies infectieuses disparaissaient dans les pays industrialisés. Elles étaient remplacées comme première cause de mortalité par des maladies chroniques, cancers, cardiovasculaires. Et on pensait qu'avec les vaccins et les antibiotiques, on allait être débarrassé des maladies infectieuses. Et on était même arrivé jusqu'à dire qu'il fallait fermer tous les traités de maladies infectieuses pour consacrer maintenant toutes les dépenses publiques sur la recherche sur les maladies chroniques. Vous connaissez déjà cette histoire. Deux épidémies vont, dans des contextes très différents, changer la donne. Il y aura l'épidémie d'Ebola dont on va parler aujourd'hui et l'épidémie de sida, dont les premiers cas vont être découverts quelques années plus tard, et qui vont montrer que les maladies infectieuses sont toujours présentes, soit sous forme de ces grandes pandémies insidieuses comme le sida ou les hépatites virales chroniques, avec des millions de personnes chaque année qui vont décéder de ces pandémies, soit sous la forme explosive, brutale, d'épidémies comme celle d'Ebola, d'ampleur beaucoup plus limitée en termes de morbidité et mortalité, mais capable de déstabiliser un continent, voire à l'échelle mondiale, de créer vraiment une anxiété générale, comme l'épidémie d'Ebola, notamment en Afrique de l'Ouest, en 2013-2014, a pu le faire. Et c'est un peu ces différents contextes qu'on va contraster ici en se concentrant sur l'épidémie d'Ebola, mais pour dire donc qu'Ebola avec le sida a été une des épidémies fondatrices du concept des maladies émergentes. C'est une épidémie qui a marqué les esprits par sa brutalité. 80% des personnes touchées décèdent, vous le verrez, avec des manifestations cliniques effrayantes. On parle d'une fièvre hémorragique, des patients qui meurent dans des tableaux d'hémorragie, notamment intestinale, généralisée, et donc qui marque les esprits. Le personnel qui prend en charge les patients est touché. Dans les épidémies d'Ebola, le personnel de santé est très exposé et ça contribue également à l'image de cette épidémie. Et c'est pour toutes ces raisons, finalement, que cette épidémie née au cœur de l'Afrique centrale a fait autant parler d'elle. Alors on va maintenant retourner en arrière sur la première épidémie d'Ebola connue. Il y en a peut-être eu avant, mais la première connue, c'est celle de Yambuku, ce qui était à l'époque le Zaïre, et aujourd'hui la République démocratique du Congo. On est en septembre 1976. L'histoire commence en fait par, telle que nous on la connaît, cette histoire, par l'arrivée d'un thermos bleu dans le laboratoire d'Anvers, en Belgique. avec le laboratoire de Stéphane Patine, un médecin belge qui travaille à Kinshasa envoie dans ce thermos deux tubes de sang. Il y avait quelques glaçons dans le fond. Un des tubes était brisé d'ailleurs à l'arrivée. Et les personnes qui ouvrent le thermos, il y aura notamment Peter Piot, qui, comme vous le savez, a depuis fait une carrière très prestigieuse de chercheur microbiologiste international. Il a également dirigé l'ONU-SIDA. Il a été sur une chaire au Collège de France, la chaire Savoir contre pauvreté, il y a quelques années. Il est aujourd'hui directeur de la London School. Il y a un virologiste belge, Guido van de Groen, et il y avait un post-doctorant colombien. Tous trois sont les premiers à avoir entre les mains ces échantillons de sang qui viennent d'une religieuse qui était décédée à Kinshasa. Et donc, un médecin belge envoie ces échantillons dans le laboratoire d'Anvers, qui est un laboratoire connu pour la virologie, notamment au milieu tropical. Et là, les virologues belges vont ensemencer le sang sur des cellules véraux, qui sont un milieu de culture connu. On leur pose la question, est-ce qu'il pourrait s'agir de fièvre jaune? Ils vont faire une recherche d'anticorps anti-fièvre jaune qui va être négative. Et puis, ils vont également inoculer dans le cerveau de souris et souriceaux, comme on l'avait fait pour le virus Zika la semaine dernière, ces prélèvements pour voir si quelque chose pousse. Et finalement, après quelques jours, en microscopie électronique, sur les cellules véraux, eh bien, ils observent un nouveau virus. Et Stéphane Patine, qui dirige le laboratoire, en regardant au microscope, dit ça ressemble, c'est un filovirus, ça ressemble beaucoup au virus de Marburg. Alors, le virus de Marburg fait partie de la même famille, des filovirus. Et en 1967, dans la ville allemande, des chercheurs qui travaillaient, en fait, ou des techniciens de laboratoire qui travaillaient sur des cellules de reins de singes d'origine africaine avaient été infectées par ce filovirus et avaient fait un tableau très proche du tableau de la maladie d'Ebola avec donc manifestation de fièvre hémorragique. Donc, même famille de virus, même type de symptomatologie. C'est ce qu'on connaissait des filovirus à l'époque. Et Stéphane Patine, en regardant au microscope et en voyant donc cette image, ça, c'est l'image qui vient du CDC d'Atlanta, qui a reçu à partir d'Anvers le même prélèvement. Et c'est donc ce même virus qui a été retrouvé dans deux endroits à quelques jours d'intervalle. Mais vous voyez une image d'un filovirus et il dit, ça y est, c'est un nouveau filovirus qui nous vient d'Afrique centrale. Et donc, il décide d'organiser une expédition avec le concours de l'OMS pour aller regarder qu'est-ce qui s'était passé au Zaïre et qui, avec ce nouveau virus. Les informations qu'ils obtiennent leur indiquent que tout se passe dans un petit village qui s'appelle Yambuku, que vous avez ici, près d'une rivière du nom d'Ebola, et vous avez donc compris d'où vient le nom de la maladie. Et les chercheurs concernés partent. Ils rejoignent d'ailleurs Pierre Sureau de l'Institut Pasteur, qui travaillait pour l'OMS à l'époque, dans un de ses avions, les Hercules C-130, avec la Jeep, etc. Ils atterrissent à Bamba, qui est à peu près à 100 km de Yambuku, et ils vont arriver, après une journée, dans ce centre. Et eux vont venir investiguer cette nouvelle épidémie. Ce qu'ils apprennent assez vite, c'est que les patients ont des tableaux dominés par des hémorragies, qui a un taux de mortalité extrêmement élevé. Il y a déjà quatre religieuses décédées qui, elles, s'étaient occupées des patients. Et ils commencent leurs investigations. Et autour de ce village de Yambuku, sur une cinquantaine de villages, ils arrivent à recenser les patients et à comprendre un petit peu mieux l'histoire de cette épidémie. En fait, il y a tout d'abord le fameux patient zéro, comme pour toute épidémie, des premiers patients touchés. Lui était un enseignant qui travaillait dans cette région, qui était parti en vacances et qui est allé faire un tour dans le nord. Et fin août, il expliquera qu'il il a acheté au bord de la route de la viande de singe et de la viande d'antilope. Il a mangé la viande d'antilope, il n'aurait pas touché la viande de singe. Quelques jours plus tard, il développe une fièvre. Il arrive dans ce centre de Yambuku avec donc une fièvre importante. On le traite pour un paludisme. On pensait à l'époque assez logiquement que ça pourrait être un paludisme et qu'il y ait une urgence médicale. La fièvre diminue un peu, reprend. Quelques jours plus tard, il décède. Ses funérailles vont attirer beaucoup de monde. Et au cours des funérailles, on comprend qu'un certain nombre de gens, au contact du corps du défunt, s'infectent. Et c'est une partie de l'épidémie que vous observez. Il y a une deuxième partie de l'épidémie qui sera, elle, liée à des injections. En fait, on se rend compte qu'autour de cette mission, des sœurs religieuses qui avaient reçu quelques patients donc atteints d'Ebola, dont cet enseignant, utilisaient beaucoup les injections et en ont administré au personnel soignant et en ont administré à des personnes qui sont venues dans cette mission. On ne sait pas très bien si cette administration a été amplifiée du fait de l'existence d'une maladie environnante, mais c'était beaucoup d'injections de vitamines, notamment de la vitamine B. Et beaucoup de femmes autour des âges de 20 à 40 ans ont été traitées avec ces fortifiants. Et malheureusement, l'histoire rétrospectivement laisse entendre qu'il n'y existait en fait que 5 seringues et quelques aiguilles dans cette mission et qu'elles étaient très largement réutilisées et probablement insuffisamment stérilisées. Hein. Vous avez vu la semaine dernière déjà les conséquences en Égypte de l'utilisation d'aiguilles mal stérilisées avec l'épidémie d'hépatite C. Là, dans un contexte sur une échelle beaucoup plus limitée, mais avec des conséquences dramatiques qui sont dues à la gravité du virus Ebola, transmission iatrogène très vraisemblable. Ce qui fait que dans la courbe épidémique que vous voyez ici, il y aura en tout 318 patients avec 88% de décès, donc taux de létalité considérable. Vous verrez ici que les cas, ça a été reconstruit par la mission qui s'est constituée, dont je vous parlais au début. Beaucoup de cas étaient liés à des injections, c'est ce que vous voyez ici. Et puis ça, c'était des contaminations de personne à personne et qui étaient liées à, au début, l'enterrement du premier patient et puis après, les contacts avec des patients en phase avancée. Mais dans cette première épidémie, les injections ont joué un rôle important. Donc finalement, après un mois et demi, deux mois, l'épidémie se termine. Il y a un travail énorme qui a été fait sur tous les villages avoisinants pour recenser les patients et les personnes contact, mettre en route des mesures d'isolement, de quarantaine, et puis toute une série de mesures de stérilisation pour éviter les contagions. Un des membres de l'équipe qui intervenait a eu une fièvre suspecte d'Ebola. Vous avez vu qu'ils l'ont mis ici dans une espèce de chambre stérile un peu improvisée. Heureusement, il n'était pas atteint et il est donc sorti tout à fait indemne de cet épisode. Mais beaucoup d'anxiété, évidemment, autour de cette nouvelle épidémie. Ce qu'on apprend sur l'épidémie d'Yambuku en 1976, la durée d'incubation est alors estimée à peu près à une semaine, avec une symptomatologie clinique qui, elle, va durer également une semaine. 3-4 jours, pas très spécifiques, un syndrome un petit peu grippal avec des douleurs pharyngées, une éruption cutanée, des douleurs abdominales et puis finalement des hémorragies, notamment intestinales. Eux ont cité à peu près 80% de formes hémorragiques, ce qui était beaucoup, et on verra sur les épidémies ultérieures, n'a pas été retrouvé à la même échelle, mais c'est vrai que le caractère de fièvre hémorragique est resté très rattaché à l'épidémie d'Ebola. Comme je l'ai déjà raconté, les injections et les contacts interpersonnels ont été impliqués dans la transmission, et une surveillance active est mise en place dans les villages avec isolement, quarantaine, des mesures qui ont été reprises depuis dans toutes les épidémies d'Ebola qui se sont succédées au centre de la République démocratique du Congo. Alors, ils mettent en place aussi l'utilisation d'équipements protecteurs, des contaminations. Ils se rendent compte de l'importance des rites funéraires et la nécessité d'enterrer des cadavres avec des protections pour éviter les contaminations. Et ils testent déjà à l'époque cette idée que les patients qui avaient survécu et qui donc avait développé une réponse immunitaire protectrice, notamment des anticorps, pourrait éventuellement protéger les personnes qui seraient infectées plus récemment. Et donc, ils tentent 2 transfusions de plasma de convalescents. On n'a pas dans le papier de l'OMS le résultat de cette expérimentation. Alors, la deuxième grande épidémie d'Ebola qui a eu lieu, hein, vous avez vu qu'il y avait toute une succession sur la carte que je vous ai présentée, celle de Kikwit, qui est une zone urbaine en République démocratique du Congo. Elle date donc, cette épidémie, de 1995. Elle est à peu près de la même ampleur que l'épidémie qui avait eu lieu à Yambuku, donc cette première épidémie dont on vient de parler, un peu plus de 300 personnes touchées. Taux de mortalité, là aussi, de 80%, simplement parce que les équipes médicales et les chercheurs étaient prêts, puisqu'on connaissait Ebola pour cette épidémie Kikwit. Il a été possible de documenter de façon plus systématisée les manifestations cliniques et d'autres paramètres biologiques associés avec ces épidémies d'Ebola. Donc, vous avez ici, sur une série de 100 patients issus de l'épidémie de Kikwit, les manifestations qui ont été retrouvées. Vous avez, chez quasiment tous les patients, de la fièvre, 95%, une fatigue, une diarrhée très constamment présente, aussi 86% des patients, avec nausées, vomissements et douleurs abdominales. et puis toute une série donc d'autres symptômes que vous lisez, vous verrez que les hémorragies sont déjà moins présentes et moins parlantes. On parle plus de saignements gingivaux. Au total, si vous prenez toute la somme, vous arrivez à peu près à 30-40% de patients qui ont eu des saignements, mais ils étaient beaucoup moins au premier plan que ça n'avait été le cas sur la première épidémie d'Ebola. Mais je vous dis tout de suite qu'on n'a pas d'explication pour ce changement de la clinique, d'expression clinique de la maladie au cours du temps. Mais bon, les hémorragies sont quand même toujours présentes. Il y aura également une étude chez des survivants, chez qui on retrouvera des douleurs articulaires, on retrouvera des manifestations oculaires, notamment des uvéites, qui ont été décrites d'ailleurs dans la suite de l'épidémie de 2013-2014 en Afrique de l'Ouest. Donc ça avait déjà été remarqué à l'époque, et la mortalité sur l'épidémie de Kikwit a été de 82%, donc très proche de celle de la première épidémie de 1976. Les tests virologiques permettent de mettre en évidence qu'il y a une charge virale plus élevée dans les premiers jours de l'infection. Vous voyez que là, on est jusqu'à 4-12 jours, et puis après, ça descend sur un nombre relativement limité de patients. Et puis, ils ont également ici pratiqué des transfusions de sang à partir de patients qui avaient survécu à une série de 8 personnes qui présentaient une infection aiguë. Et dans cette expérimentation, les donneurs étaient au nombre de 5, ils avaient entre 27 et 33 ans, et ils ont été prélevés entre 1 et 2 mois après avoir récupéré de leur maladie Ebola. Et là, on voit que 7 des 8 personnes qui ont reçu leur sang ont survécu, ce qui semble beaucoup par rapport à un taux de mortalité qu'on avait déjà décrit de l'ordre de 80%. Mais si vous regardez attentivement, vous avez ici le nombre de jours depuis le début des symptômes et le moment où la transfusion a été faite. Et pour beaucoup de patients, vous avez plus de 10 jours. Et on peut penser en fait que c'était des patients qui avaient déjà survécu à la phase aiguë, qui était en période de récupération. Le seul patient qui a eu une transfusion vraiment précoce, à 4 jours, est décédé d'ailleurs. Donc ces données étaient encourageantes, intéressantes, mais on s'est assez vite demandé, attention, est-ce qu'il n'y avait pas déjà eu une sélection naturelle des patients qui étaient en train de survivre pour recevoir ces transfusions, donc à pondérer néanmoins. Il y aura la première enquête aussi typique de transmission faite en comparant les contacts des patients. Donc il y avait sur cette étude-là, à partir de 27 patients, ils ont pris des 173 contacts. Et parmi ces 173 contacts, il y a eu 28 cas secondaires. Et ils ont comparé les caractéristiques de ceux qui avaient eu une infection au contact d'un patient et de ceux qui n'avaient pas développé d'infection alors qu'ils avaient été contacts aussi. Et ils retrouvent, et je simplifie pour vous l'analyse ici, une augmentation du risque de développer la maladie pour les contacts quand ils ont été au contact du patient, mais à la phase tardive de la maladie, late illness, pas à la phase précoce, où là, il n'y a pas d'augmentation de risque, mais s'ils ont été contact, alors ça, c'est partager un repas, discuter ou partager un lit avec un patient qui était sur une phase tardive de la maladie, là, il y a une augmentation du risque, et c'était déjà la première évidence, entre guillemets, que c'était la phase tardive de la maladie qui était dangereuse pour les contacts. C'est le moment où les patients deviennent contagieux. Il y a aussi, sur l'exposition à un cadavre, qui est associée à une augmentation de risque s'ils l'ont touché. Donc, de cette épidémie de Kikwik, on retient, sur la partie transmission, la possibilité donc, d'une transmission interhumaine via des fluides corporels, les soins aux patients, les rites funéraires qui sont à nouveau signalés, que la contagion ne débute qu'après le début des symptômes, ce qui, pour le contrôle d'une maladie infectieuse, est entre guillemets une bonne nouvelle parce que ça permet d'avoir déjà identifié les patients comme tels pour les isoler et donc éviter qu'ils soient contagieux pour les autres, sachant que cette contagion est plus importante en phase terminale, ça ressortait déjà sur cette épidémie de Kikwit, et des questions qui se posaient autour, est-ce qu'il peut y avoir une transmission par voie aérienne, notamment par aérosol, dans l'épidémie de Kikwit, ils n'ont retrouvé aucun argument en faveur, et aujourd'hui encore, on pense qu'il n'y a pas non plus d'argument en faveur d'une transmission par aérosol. Donc c'est vraiment une maladie dont la transmission débute plutôt sur la phase tardive de la maladie et par contact avec les fluides corporels des patients, notamment quand ils sont dans les phases terminales hémorragiques. Alors, déjà à Kikwik, ils ont pensé à se dire, pour voir comment se transmet la maladie, on va prendre des prélèvements des patients et on va rechercher le virus dans ces prélèvements. Et alors, ils ont pris des larmes, de la sueur, des selles, des urines, de la salive, du sperme et des sécrétions vaginales. Et c'est finalement dans le sperme qu'ils vont retrouver du virus. Et dans les mois qui suivent la maladie, vous voyez ici que pour ces patients, donc on est là à 52 jours, 82 jours, et là presque 2 ans après le début de la maladie. Et on a des PCR positifs jusqu'à 82 jours, 91 jours. Donc en gros, chez quelques patients, dans le sperme, on retrouve jusqu'à 3 mois la présence du virus. Et cette notion est importante, vous le verrez sur les prochaines épidémies, car elle pourrait expliquer en partie le redémarrage d'épidémie à distance par présence du virus dans le sperme de patients infectés. Voilà déjà sur ce qu'on savait en termes de santé humaine par rapport aux épidémies d'Ebola, avec l'épidémie de Kikwit, qui est une des épidémies très instructives de cette période. Il y a toute une équipe qui, entre-temps, travaillait pour savoir d'où venait ce virus, quel était son réservoir animal potentiel. Eux étaient basés au Gabon, au CIRMF, dirigé par Éric Leroy. Éric Leroy, qui est un chercheur qui travaille sur Ebola depuis qu'Ebola est connu, hein, et qui a fait vraiment les plus grandes contributions dans le domaine de la découverte du réservoir animal et des animaux qui peuvent être dans la chaîne entre le réservoir et l'homme. Et là, sur ces études qui sont faites, donc on a ici le Gabon, ici la République du Congo, c'est le Congo-Brazzaville, hein. Le Zaïre est un peu plus à l'est. Donc ici, en 2001-2003, vous avez toute une série d'épidémies et à chaque fois la même séquence où on retrouve des animaux décédés, des gorilles, des chimpanzés ou des antilopes. Duiker, c'est antilope. Et on en retrouve dans tous ces endroits, là où des épidémies d'Ebola vont survenir. Et les premiers cas des épidémies d'Ebola, quand ils sont retrouvés, sont souvent des chasseurs qui étaient au contact de ces animaux. Donc un scénario commence un petit peu à se dessiner où le virus Ebola va infecter des grands primates et les chasseurs qui sont au contact de ces grands primates, qui les capturent plus facilement parce que les animaux sont malades, vont après se retrouver au contact des fluides corporels, notamment du sang de ces grands primates, quand ils vont dépecer la viande, et éventuellement s'infecter et ramener le virus dans leur village. Donc ça, c'était un des premiers travaux d'Éric Leroy. Il y a d'autres études très similaires qui racontent la même histoire dans la même région avec le début des épidémies humaines et à chaque fois des carcasses d'animaux qui ont été retrouvées, des animaux morts, qu'il s'agisse de grands primates ou d'antilopes, et qui laissent entendre donc ce passage. Éric Leroy va poursuivre sa recherche du réservoir animal et va s'intéresser aux chauves-souris. Au début, ils ont capturé, toujours dans ces mêmes régions où ils avaient fait tout leur travail sur les chimpanzés, les gorilles et les antilopes, ils vont capturer toutes sortes d'animaux, beaucoup de chauves-souris, mais également des oiseaux. Ils vont capturer des rongeurs, hein, plus de 1000 animaux vont être capturés, et passer vraiment à la moulinette, c'est-à-dire que pour les chauves-souris, c'est tous les organes qui vont être testés pour essayer de retrouver le virus. Ils vont retrouver du virus Ebola chez un certain nombre de chauves-souris, qui sont des chauves-souris frugivores, que vous ne voyez pas très bien ici. Les photos ne sont pas de très bonne qualité, mais vous avez les noms et vous pouvez les retrouver par la suite. Et là, notamment dans le foie et dans la rate de ces chauves-souris, ils vont mettre en évidence, pour 13 d'entre elles, des séquences de virus qui correspondent au virus Zaïre. Donc là, ça y est, la boucle est bouclée, on a l'évidence d'une transmission d'un réservoir animal qui est la chauve-souris. Quelques-unes de ces chauves-souris avaient d'ailleurs des anticorps anti-Ebola. Après le passage de la chauve-souris vers les antilopes ou les grands primates, il n'est pas nécessairement expliqué. Et alors que le contact grand primate vers l'homme, lui, a été beaucoup mieux décrit. Il est même suspecté pour une épidémie qui a eu lieu près de Kikwit. Donc vous aviez ici Kikwit, là on est donc en République démocratique du Congo, à Lombo, Luebo. Il est soupçonné que cette épidémie ait pu être due à des chauves-souris parce qu'avant le démarrage de l'épidémie qui a lieu en juin, autour d'avril-mai, il y a chaque année des arrivées massives de chauves-souris, des migrations massives qui s'installent donc dans la région. Et beaucoup d'hommes vont chasser ces chauves-souris. Et l'un d'entre eux, qui a été le premier cas, qui a fait une forme assez relativement bénigne de la maladie, a été au contact au contact avec le sang d'une chauve-souris. Et après, il y a eu des cas secondaires chez son enfant qui est décédé et puis chez une femme plus âgée. Donc, et une épidémie qui démarre à partir de cette femme plus âgée. Donc là, on avait cette notion que les chauves-souris ont pu être responsables directement de cette épidémie. Donc le cycle du virus Ebola tel qu'il est présenté aujourd'hui, un réservoir animal qui est la chauve-souris, peut-être des contaminations directes à l'homme, vraisemblablement des contaminations vers les grands primates et des antilopes, et après, à partir de là, passage vers l'homme. La donne en termes d'ampleur d'épidémie va complètement changer avec l'épidémie de 2013-2014 en Afrique de l'Ouest. Jusqu'à présent, on avait des épidémies de quelques dizaines de cas. Celle donc initiale avait atteint 300 cas, même chose pour celle de Kikwit, mais on restait plutôt sur des épidémies de quelques dizaines. Et puis, en 2013-2014, comme vous le savez, va démarrer une épidémie massive en Afrique de l'Ouest, et on va essayer de réfléchir un peu sur pourquoi cette épidémie a pris des proportions tellement différentes, puisqu'elle a atteint à peu près 25 000 cas, avec la moitié des personnes décédées. Alors, cette épidémie va démarrer ici, dans une région qui est transfrontalière entre la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, à Gekedou, qui est une zone de marché avec beaucoup d'activités et qui est une zone qui est connectée aux capitales de ces différents pays. Vous comprenez déjà que les risques d'exportation du virus vers des zones très peuplées qui étaient les capitales de ces pays étaient beaucoup plus importants du fait de la nature transfrontalière de cette région et des activités de marché qu'il y avait. Entre décembre 2013 et mars 2014, il y a eu toute une série de cas de maladies inexpliquées, fébriles, qui vont être notées par les personnels de santé locaux. Ils pensent d'abord au paludisme, ne savent pas trop. Et en mars, vers le 10 mars, ils informent le ministère de la Santé à Conakry qu'il y a un phénomène anormal qui se présente dans cette région. Et deux jours plus tard, ils préviennent aussi les équipes de Médecins sans frontières, parce que Médecins sans frontières avait travaillé depuis 4 ans dans cette région sur un projet sur le paludisme. Et Médecins sans frontières va dépêcher sur place une équipe pour aider un petit peu à l'investigation. Et assez vite, ils vont effectivement penser qu'il pourrait s'agir d'autre chose que du paludisme. Et avec l'accord de l'OMS, envoyer et du ministère de la Santé locale, envoyer des échantillons au laboratoire de Sylvain Bèze au Centre national de référence à Lyon sur les fièvres hémorragiques pour rechercher des virus type Marburg ou type Ebola notamment. Et c'est ce qui va se confirmer. On retrouve dans ces échantillons un virus qui est donc de la famille des virus Ebola Zaïre. Et les mêmes échantillons partiront à Hambourg, qui va confirmer également cette mise en évidence d'un virus Ebola en Afrique de l'Ouest, qui était tout à fait nouveau, hein, puisque jusqu'à présent, on n'avait jamais vu Ebola en dehors de l'Afrique centrale. Le Collège de France et France Culture vous présente le professeur Arnaud Fontanet, titulaire de la chaire annuelle Santé publique. Aujourd'hui, Ebola, une épidémie après l'autre. Alors, l'épidémie d'Ebola, comme vous le savez tous, dans cette région, a pris donc une dimension très différente. Vous avez eu trois pays touchés. La Guinée, où le virus a persisté pendant longtemps sans jamais atteindre le niveau d'épidémie qu'ont connu le Libéria ou le Sierra Leone, mais peut-être un petit peu plus longtemps. Le Libéria qui a été la première grande épidémie, puis après le Sierra Leone. Là, on est en 2014. C'est vraiment dans la deuxième moitié de 2014, c'est là où l'épidémie prenait une ampleur considérable et on se demandait vraiment si elle allait s'arrêter. Alors là, je reviendrai sur un épisode intéressant qui est ici. Vous voyez qu'il y a eu au début, ça a grimpé, puis ça a redescendu. On est en Guinée. Et là, on est au mois de mai, au mois de mai 2014. Et à ce moment-là, l'épidémie était en train de redescendre. Et les experts qui avaient été dépêchés sur place se disaient, comme en Afrique centrale, une épidémie de quelques dizaines de cas, on prend les mesures d'isolement, quarantaine, etc. Et la partie est gagnée. Et c'est vrai qu'en mai 2014, pendant une période très brève, on a eu le sentiment que cette épidémie était contrôlée et qu'il n'y avait pas à avoir l'épidémie catastrophique qui a suivi. Et ce qui s'est passé finalement, c'est que vers la mi-mars, Donc on était au moment où on commençait, on venait d'identifier l'épidémie, puisque les échantillons avaient été envoyés à la mi-mars à Lyon. Eh bien, dès la mi-mars, alors que l'épidémie était essentiellement en Guinée, il y a deux patients qui partent au Sierra Leone, et une mère et sa fille, et eux vont démarrer une épidémie au Sierra Leone qui va démarrer à bas bruit, parce qu'au début, vous avez deux patients, il vous faut 14 jours entre chaque génération de patients. Donc 14 jours plus tard, il y a eu 2-3 autres patients, puis 14 jours plus tard, 6-7-8 patients. Et c'est finalement 2 mois plus tard que cette épidémie avait atteint des chiffres assez conséquents au Sierra Leone et que ça y est, ça a démarré au Sierra Leone, comme vous avez pu le voir sur la diapositive d'avant, où l'épidémie était beaucoup plus a commencé à démarrer au Sierra Leone à ce moment-là. Mais voilà, elle était partie à bas bruit. Et cette photo est une photo de un des points de passage entre la Guinée et le Sierra Leone. Parce que vous pourriez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne contrôle pas les frontières, etc. et compagnie. Ben, la frontière entre Guinée et Sierra Leone, c'est une série de points de passage comme celui-là, avec des pirogues qui traversent. Et là, il y avait une mère et sa fille qui étaient atteintes et qui sont parties de l'autre côté. Et tout ça est, voilà, a été noté. Hein. D'ailleurs, c'est raconté dans l'article du New York Times. Les autorités de santé guinéennes avaient noté ces deux cas. Puis après, ils sont partis, mais l'information n'a pas suivi vers le Sierra Leone. Et l'épidémie a démarré à bas bruit. Donc cette épidémie a pris des proportions gigantesques. Comme vous le voyez ici, c'est surtout dans les zones urbaines, donc Conakry, ici Freetown et Monrovia, que vous allez avoir le maximum des cas. Et tout ça a été connecté entre ces pays, notamment par les zones interfrontalières où elles ont démarré. Donc là, on est sorti complètement de l'image de ces épidémies qui avaient lieu dans des villages reculés d'Afrique centrale où, finalement, avec isolement, quarantaine, et puis on coupe la route et on attend que ça passe. C'est une façon très cynique de raconter les choses, hein, parce que aujourd'hui, les équipes sont très proactives pour vraiment essayer de contrôler ces épidémies, mais c'était un peu l'image qu'on s'en faisait. Là, on est sur des épidémies qui arrivent dans des capitales de plusieurs millions d'habitants, dans des pays qui ont des systèmes de santé vraiment très, très délabrés. Hein. C'est des pays qui sortent pour Sierra Leone et Liberia de guerre civile et d'une période d'instabilité très longue, donc très pauvres également. La Guinée fait partie des pays pauvres aussi, et donc ils ont tous des systèmes de santé qui n'étaient pas en mesure de faire face. Donc, bon, vous avez... Et on en reparlera vu l'implication internationale avec l'OMS, puis les ONG et la façon avec laquelle l'épidémie a finalement été contenue. Mais on partait au début de pays où le système de santé était quand même extrêmement fragile. Alors plusieurs types d'études vont avoir lieu. Ici, je vous montre un travail qui a été fait par les équipes de l'Institut Pasteur de Dakar et l'Institut Pasteur de Paris, où ils ont documenté des chaînes de transmission. Alors, il est assez difficile, et on ne va pas essayer de le faire, de montrer tous ces points de contact, mais juste pour vous dire que par des entretiens, on arrive à reconstruire la nature des contacts qui ont pu avoir lieu et des chaînes épidémiques entre différents cas qui peuvent impliquer à la fois des transmissions dans le cadre des soins ou en dehors, avec les funérailles notamment. Et ce travail a cherché à montrer la part prise par les transmissions intracommunautaires à l'hôpital et lors des rites funéraires dans différents moments de l'épidémie. Donc on arrive là maintenant à commencer à faire une épidémiologie assez fine et qui va alimenter finalement les mesures de contrôle en communauté qui vont être proposées. Ou pour les cas, eh bien on leur demande les contacts. Si les contacts ont des symptômes, on les hospitalise et on leur demande leurs contacts. S'ils n'ont pas de symptômes, ils sont en quarantaine pour 21 jours. C'est le double de la médiane d'incubation qui, pour cette épidémie, a été estimée autour de 10 jours. Et donc, au bout de 21 jours, s'ils n'ont pas montré de symptômes, on est quasiment rassuré sur le fait qu'ils n'étaient pas infectés, ils n'ont pas développé la maladie. Il y a des contacts qui peuvent être perdus, etc. etc. Donc, tous ces scénarios sont expliqués. Et vous avez des équipes qui partent faire à la fois la communication sur l'importance de se présenter quand on a des symptômes dans les centres de soins. Et après, quand on a des cas suspects, eh bien, on envoie des personnels de santé pour aller chercher ces cas suspects et les amener à l'hôpital, avec ces scènes qui sont à la fois terribles et où on voit ces hommes complètement dans les tenues donc, de protection, emmener un patient et les proches et les voisins qui sont là et qui regardent impuissants ce qui est en train de se faire. Donc, tout ceci s'accompagne d'une mobilisation sociale qui est forte, avec dans les différents pays une des explications à la population sur les conduites à tenir, etc., sur, pour à la fois la prévention et que faire si on présente des symptômes. Beaucoup de travail a été fait autour des rites funéraires parce qu'on s'est rendu compte assez vite que, au moment où les patients étaient décédés, les familles dans ces pays vont nettoyer le corps et après participer donc à l'enterrement et être très exposés. Le moment où les patients sont décédés, c'est là où tous les fluides corporels sont les plus infectés. Donc pour il y a eu au début des mesures assez radicales qui ont été prises pour prendre les corps et les enterrer en coupant tout contact avec la famille. Mais du coup, on s'est rendu compte que c'était très peu productif parce que les familles pour qui ces rites funéraires sont très importants allaient rechercher les corps à nouveau ou anticipaient et partaient avec les corps au moment où les patients étaient sur le point de décéder. Et donc, il y a eu là beaucoup de travail qui a été fait par les anthropologues qui se sont impliqués dans ces épidémies d'Ebola plus que dans beaucoup d'autres épidémies similaires pour essayer de comprendre comment faire que les rites funéraires puissent être suivis, mais soient faits dans des conditions dignes pour les familles et sécurisés en même temps. Et c'est un peu ce que ces images symbolisent ici. Vous avez différentes modalités qui ont été proposées pour permettre à la communauté de participer. Après tout, si vous ne touchez pas le corps, il n'y a pas de danger. Mais voilà, tout ça a été encadré, donc les rites ont pu avoir lieu tout en préservant la santé des familles. Sur cette épidémie-là, les mêmes travaux ont été faits sur les symptômes pour essayer de comprendre quels sont... et on retrouve ce qu'on avait trouvé dans les épidémies précédentes, notamment l'épidémie de Kikwit, avec toujours la fièvre, maux de tête, fatigue, etc. La diarrhée très importante. Les formes hémorragiques, là aussi plus faibles que ce qu'on avait vu initialement, plutôt estimées autour de 20%. Et là encore, pas d'explication sur le fait qu'on voit moins de formes hémorragiques dans les formes récentes par rapport à ce qui avait été vu sur les premières épidémies. L'histoire de la maladie, l'incubation a été estimée un petit peu à la hausse par rapport à ce qui avait été calculé auparavant, mais cette fois-ci, il y avait énormément de données et des équipes de modélisation qui ont pu vraiment s'en emparer. Donc on parle plutôt de 8-10 jours avec une étendue qui va de 2 à 21 jours. Il y a de la variabilité dans l'incubation. 21 jours, c'est la durée de la quarantaine. On sait que si vous n'avez pas développé en 21 jours, vous n'avez pas été infecté. Donc tout ça se confirme. Et plusieurs phases dans la maladie. Au début, vous avez un peu une forme de grippe avec fièvre, frisson, douleur musculaire, pas bien, quoi. Et puis après 3 à 5 jours, c'est là que vous développez les syndromes gastro-intestinaux, la diarrhée notamment, et où vous basculez dans la forme de la maladie avec, au bout d'une semaine pour certains patients, le choc et l'évolution vers le décès. Mais là, comme je le disais, symptômes hémorragiques n'ont été vus que dans 18% des cas dans cette épidémie. Ce qui a pu être noté, c'est que le taux de létalité, la proportion de décès par groupe d'âge variait donc selon les catégories d'âge, était très important chez les plus jeunes, les moins de 2 ans, et chez les plus de 30 ans, on va dire, mais que chez les sujets de 10 à 30 ans, eh bien, les taux de létalité étaient élevés, mais moins élevés que pour les autres. Cette épidémie a vraiment permis là de caractériser beaucoup mieux la présence du virus Ebola dans les fluides corporels, et ça a permis après d'alimenter tous les travaux sur les risques de transmission secondaire et les précautions à prendre. Alors, des épisodes de transmission secondaire ont pu être documentés dans cette épidémie de façon assez... chacun représente une anecdote, mais l'ensemble des anecdotes finit par être importante. Et puis vous verrez pour le sperme des redémarrages d'épidémies tardifs qui font que ces transmissions sont loin d'être futiles. Ici, c'est une histoire assez étrange en Guinée où un enfant de 9 mois va développer Ebola et sera décédé. On récupère la séquence du virus. Ses parents étaient parfaitement asymptomatiques, se portaient très bien. Ils ont d'ailleurs été vaccinés, puisque je vous le dirai un petit peu plus tard, un vaccin a été testé et a été proposé pour les contacts. Mais on fait des prélèvements chez les parents et on retrouve des anticorps chez la mère et chez le père. Et puis, quelques jours plus tard, on retrouve dans le lait de la mère le virus et on retrouve dans le sperme du père le virus. Et quand on fait des séquences génétiques de ces virus, le bébé et la mère, donc dans le lait, avaient une séquence génétique quasiment identique. Donc, de cette histoire assez étrange, en ressort que l'enfant a été très vraisemblablement infecté par sa mère, puisque les séquences génétiques sont quasiment identiques, et qu'elle avait du virus dans dans le lait, alors qu'elle-même se portait bien. Et le père, lui aussi, était porteur. En revanche, les deux virus ne sont pas connectés, donc on ne sait pas très bien comment tous les deux sont devenus porteurs asymptomatiques sur une période aussi longue, ce qui est assez, assez inhabituel. Les recherches de virus dans le sperme ont été faites de façon beaucoup plus systématique, et vous voyez qu'ici, on retrouve, donc ici, c'est les résultats positifs, jusqu'à 13-15 mois après avoir quitté l'hôpital, et là, vous avez les résultats négatifs. Donc on peut retrouver jusqu'à plus d'un an après avoir quitté l'hôpital virus dans le sperme. Alors ça, ce sont des détections par PCR. Ça ne vous dit pas forcément si le virus est infectieux. Il faudrait voir si on peut le cultiver pour savoir s'il est infectieux. Mais il y a eu des cas de transmission sexuelle et un qui a été bien documenté près de 500 jours après la guérison. Donc là, on est en Guinée. Vous avez un patient qui a 56 ans et qui, en octobre 2014, guérit. Puis se passe une période, il quitte l'hôpital le 14 novembre, il reprend une activité sexuelle en septembre 2015, donc presque un an plus tard, et son partenaire, une femme de 38 ans, va développer la maladie, et là on a 482 jours entre le moment où il avait été diagnostiqué et le moment où il a infecté sa partenaire. Elle va infecter d'autres personnes. Et parmi ces autres personnes, il y en a un certain nombre dont les séquences pour lesquelles on va pouvoir récupérer du virus et le séquencer. Et quand on compare ce virus au virus patient initial, on retrouve que c'est exactement la même séquence. Donc on a toutes les raisons de penser que cette épidémie qui a démarré presque 18 mois plus tard est due à une transmission sexuelle secondaire. Et il y a eu comme ça quelques exemples d'épidémies qui ont redémarré complètement à distance de la fin de l'épidémie généralisée et très vraisemblablement liée à des transmissions sexuelles, donc des patients qui avaient gardé du virus dans le sperme pendant plus d'un an et une transmission qui se fait extrêmement tardivement. Alors, c'est compliqué à gérer parce que vous pouvez bien sûr demander des prélèvements répétés aux patients qui sont sortis de l'hôpital et tester pour leur dire ben, « aujourd'hui, on ne retrouve plus le virus, mais il faut au moins avoir deux prélèvements consécutifs négatifs pour être absolument sûr » et c'est évidemment pas simple à réaliser. Autre exemple de résurgence tardive, on est ici au Libéria, en juillet 2014, une épidémie qui est décrite ici, qui implique plusieurs individus, un homme, une femme, etc. En juillet 2014, tout se termine. Une femme qui avait pris soin de ce patient avait été légèrement malade en juillet, au moment de cette épidémie. Tout rentre dans l'ordre. Et en septembre 2015, en octobre, elle est admise à l'hôpital et on retrouve chez elle des anticorps. Elle va vraisemblablement infecter son enfant qui a 2 mois qui lui aussi va développer d'anticorps. Et elle va infecter son conjoint qui lui va aussi faire une maladie donc Ebola et pour qui on récupérera des séquences, qui va infecter deux de leurs enfants. Le troisième ne sera pas infecté. Et dans toutes ces séquences, on retrouve la même séquence chez cette personne et chez celle-là. Donc on pense que ça a été une ressortie un an plus tard, à partir d'une femme qui avait fait une maladie très brève pendant l'épidémie de juillet 2014 alors qu'elle s'occupait d'un de ses proches. Tout rentre dans l'ordre et presque un an plus tard, elle retombe malade et contamine. Et on ne sait pas du tout où est-ce que le virus était niché, c'est chez cette personne. Mais quand on compare les séquences génétiques, on a l'impression que les deux événements sont liés. Donc c'est une histoire, vous voyez, un peu compliquée. On n'a pas toujours une réponse claire, mais ça nous traduit simplement le fait qu'il y a un risque de ressortie d'Ebola un an plus tard, quelquefois, et donc redémarrage d'une petite épidémie, ce qui est évidemment pas du tout rassurant quand on parle de gestion de l'épidémie. Alors, de ce qui est ressorti de l'épidémie de 2013-2014, on a, comme je vous le disais, 3 stades de la maladie. Au début, des patients qui ont une forme de grippe, qui sont fatigués, qui ont de la fièvre, ils sont ambulatoires, et c'est vraiment le stade de début de la maladie. Puis les symptômes digestifs, entre 3 et 10 jours, c'est là où il commence à avoir des pertes liquidienne majeure avec la diarrhée, et c'est là où il faut leur faire des perfusions pour essayer de compenser les pertes liquidiennes, et puis des patients qui vont développer un choc et des complications et des hémorragies, et c'est eux qui vont décéder. Et c'est un petit peu maintenant le schéma de la maladie tel qu'il est, il est reconnu. La prise en charge, elle va reposer, et au moment de l'épidémie de 2013-2014, des concepts de presque hôpitaux militaires qui ont été construits dans différents endroits et mis en place pour faire face à l'afflux de patients, montrant la circulation, le triage et la circulation des patients entre les différents secteurs de l'hôpital selon le fait que le diagnostic a été confirmé ou pas, ou qu'ils sont en phase convalescente, avec tout de ce type de prise en charge dans les endroits les plus démunis à des hôpitaux qui ont été mis en place, notamment par Médecins Sans Frontières, notamment par l'ONG à Lima, et puis au Liberia par l'armée américaine. Donc on a vraiment vu beaucoup de choses se mettre en place. Après, ce qui est ressorti de cette épidémie, c'est la difficulté de la prise en charge des patients, parce que pour les personnels soignants, les tenues protectrices sont extrêmement difficiles à porter. Et quand vous avez un service avec une vingtaine de patients, il est entendu que pour un soignant, il peut garder cette tenue qu'à peu près 45 minutes. Ça veut dire que s'il fait le tour pour voir 20 patients, il va passer 2 minutes par patient. Et les soins qu'on voulait apporter à ces patients, qui reposent de changer des perfusions, des patients qui sont en train d'avoir des pertes liquidiennes importantes, etc., nécessitent quand même des soins proches de la réanimation. Or là, on n'est absolument pas, avec 2 minutes par patient et peut-être 2 tours par jour, en mesure d'administrer ces soins. Et c'est ce qui explique que les taux de mortalité pendant cette épidémie, malgré tous les efforts des personnels soignants, sont restés très élevés, puisqu'on était quand même autour de 60-70% pendant l'épidémie de 2013-2014, même si sur la fin, avec la pratique et une meilleure prise en charge, les taux ont baissé jusqu'à 40%. Mais les soins symptomatiques, juste compensation des pertes liquidiennes et tout ce qui va avec, dans ces conditions-là, étaient extrêmement difficiles. Et ces tenues protectrices qui ne pouvaient être gardées que 45 minutes ont contribué à rendre le travail des personnels soignants très difficile. Et puis vous imaginez aussi les contacts avec les patients extrêmement limités dans le temps. Et tout ce que ça représentait d'un point de vue humain pour ces patients qui étaient dans un état critique et en train de mourir, et de n'avoir que des contacts 2 fois par jour pendant 2 minutes avec des personnes dans des tenues comme celle-là, c'est certainement effrayant. Alors, comment est-ce que tout a commencé en 2013-2014? Les investigations ont pu avoir lieu après la fin de l'épidémie. Elles ont démarré, ils sont retournés donc dans un petit village qui s'appelle Meliandou, près de la région Gekedou. Là, vous avez Sierra Leone, la Guinée et Liberia, cette zone intra-frontalière. Là était la maison dans laquelle un enfant de 2 ans, qui est considéré comme le patient zéro de l'épidémie de 2013-2014, en décembre 2013, a donc développé la maladie. Et les investigateurs se sont beaucoup intéressés à un arbre qui était à peu près à 50 mètres de cette maison, et cet arbre, en fait, contenait énormément de chauves-souris. Et le petit garçon, qui avait 2 ans, avait l'habitude d'aller jouer dans ce coin-là avec des amis. Et quand les investigateurs sont arrivés, en fait, l'arbre avait été brûlé par les villageois, qui n'ont jamais vraiment donné de bonne explication pour ça. Mais quand ils ont brûlé l'arbre, un nuage de chauves-souris est parti. Et c'était des chauves-souris comme celle-là, ils ont retrouvé des traces d'ADN de cette chauve-souris. Ils n'en ont plus retrouvé quand ils sont arrivés, mais ils avaient de l'ADN de cette chauve-souris dans les cendres autour de l'arbre. Donc l'hypothèse qui est aujourd'hui avancée, sans qu'on ne pourra jamais la confirmer, est que peut-être cet arbre à chauve-souris contenait des chauves-souris infectées par le virus Ebola, et que ce petit enfant de 2 ans qui était allé jouer au contact de cet arbre aurait été infecté. Là, c'est toutes les premières chaînes de transmission qui démarrent avec ce petit garçon de 2 ans, et je vous passe le tout, mais c'est juste pour vous montrer que tout ça peut être reconstruit aujourd'hui avec l'interrogatoire, en regardant les dates, etc. Puis là, ils ont fait une enquête sérologique, et chez les survivants, ils ont retrouvé les anticorps, et ont pu trouver un certain nombre de cas asymptomatiques. Cette épidémie de 2013-2014 n'a pas simplement touché les 3 pays dont on parlait, elle a également touché des pays voisins en Afrique de l'Ouest, le Nigeria, qui a eu de mémoire 15 cas avec 8 décès, et qui a réussi à contenir l'épidémie alors que le virus est arrivé à Lagos. Et là, il y avait eu quand même très très grosse angoisse, parce que c'est une énorme capitale, Lagos. Au Sénégal, ils ont eu un cas, et rien de plus. Et puis au Mali, ils ont eu quelques cas, je dirais autour de 8 de mémoire, là aussi. Il y a eu également des cas exportés au-delà du continent africain. Aux États-Unis, un médecin qui travaillait pour MSF, qui a développé Ebola alors qu'il était de retour aux États-Unis. Vous vous souvenez peut-être de l'histoire, on a retracé tout son parcours dans le métro, il a joué au bowling, on a testé des balles de bowling, enfin on a fait tout le truc. Ça, c'est bien fini. Pas de cas secondaire et lui-même a survécu. Et là, c'est une infirmière qui est rapatriée, je crois, en Floride et qui avait été, elle aussi, infectée alors qu'elle travaillait sur le terrain. Je terminerai, pour les 5 minutes qui restent, par l'épidémie actuelle d'Ebola, qui a lieu dans le Kivu, ici, le Nord Kivu, qui est la plus grosse épidémie maintenant après celle d'Afrique de l'Ouest, puisqu'on va bientôt atteindre les 1000 cas, qui est particulière parce que c'est une épidémie qui a lieu dans une zone de conflit armé très importante, hein, avec des groupes qui cherchent à contrôler la région, l'armée de RDC qui s'interpose, le contexte électoral en plus récemment qui a rajouté un niveau de difficulté à tout ça, un centre MSF qui a été brûlé, où les patients étaient pris en charge, ça c'est relativement récent, c'est dans le mois dernier. Vraiment une situation extrêmement difficile pour l'intervention, parce que quand vous devez aller faire des recherches de contact et puis contact de contact, et que vous avez des milices armées qui circulent et des exactions contre les personnels qui sont engagés dans la lutte contre l'épidémie, ça rend les choses très très très très difficiles. Donc contexte d'intervention particulièrement difficile, avec des progrès très très lents. L'épidémie n'explose pas, mais ne s'arrête pas non plus. La vaccination en anneau, telle qu'elle avait été testée en Guinée, a été aussi mise en place très tôt pour cette épidémie, avec près de 100 000 personnes qui auront été vaccinées. On vaccine les contacts et les contacts de contacts. Il y a des agents de santé aussi également qui reçoivent le vaccin. On a élargi aux enfants, parce qu'on a eu depuis des données de phase 1 qui laissaient entendre que le vaccin était sans danger pour les enfants. Et sans données, mais parce qu'on pense que c'est important, très récemment, ça a été élargi aux femmes enceintes. Une femme enceinte qui est infectée par le virus Ebola va quasiment systématiquement mourir. Donc la décision a été prise de les vacciner, même si on n'a pas de données sur l'innocuité du vaccin chez les femmes enceintes. Une réflexion intéressante de Joanne Liu, qui est la présidente d'MSF, qui très récemment s'est exprimée, le 6 mars, et qui disait que d'un côté, on a aujourd'hui un vaccin, il y a un deuxième qui est en voie d'expérimentation, il y a des traitements qui semblent prometteurs, et en même temps, une population qui refuse d'aller se faire soigner. Pour les populations locales, le fait d'être hospitalisé reste encore extrêmement difficile. La perception qu'ils ont, finalement, c'est que déjà, vous avez ces hommes en tenue très effrayante qui arrivent, qui prennent les gens et qui les emmènent, et on sait que les gens qui vont dans les hôpitaux, il y en a entre 60 et 80% qui ne vont jamais en ressortir. Et pour les populations locales, la perception de la prise en charge est évidemment très mal vécue. Sur l'épidémie de 2013-2014, il y avait des reportages terribles, je ne sais pas si vous avez vu, sur la BBC notamment, on voit une petite fille de 7 ans, de nuit, qui est arrachée à sa famille par des espèces de cosmonautes. Elle va dans un centre, elle va mourir 3 jours plus tard, complètement seule, vous voyez, complètement perdue. Et pour les familles, c'était très dur, mais c'est aussi très dur pour le personnel hospitalier et le personnel des ONG. Et ce que décrit Joanne Liu dans cette tribune, que vous pourrez retrouver si vous tapez, je pense, la date assez facilement, c'est eux-mêmes, en tant qu'ONG, ils ont du mal à être associés à un système où on prend les gens de force, contre leur volonté, pour leur imposer des traitements, surtout quand les traitements, on l'a vu, ont une efficacité très relative. Si finalement, le seul bénéfice du traitement, c'est d'avoir isolé les patients et qu'ils n'aient pas infecté d'autres personnes, mais parce qu'on n'est pas capable de leur donner des traitements dans des bonnes conditions, pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées, la mortalité reste extrêmement élevée. Le fait de l'imposer de force, sans le consentement des familles, va à l'encontre de principes très élémentaires de la prise en charge des patients. Et MSF développe vraiment une réflexion là-dessus en disant il ne faut pas s'étonner si les populations refusent de venir dans les centres de traitement qu'on leur propose, vu les conditions dans lesquelles se font les hospitalisations forcées et vu le peu de résultats qu'on obtient avec nos traitements. Et il y a des membres d'MSF, elle le dit à mots couverts dans cette intervention, mais pour avoir discuté beaucoup avec des membres d'MSF, il y en a qui aujourd'hui suggèrent de faire des prises en charge à domicile, qui disent finalement, il faut vraiment qu'on réfléchisse sur la possibilité de proposer aux patients de rester chez eux et de former la famille pour leur donner des soins minimums, sans eux-mêmes s'exposer, mais qui, dans certains cas, leur permettrait de passer le cap aigu. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les gens vont se cacher, que les transmissions secondaires non contrôlées sont beaucoup plus importantes, alors que s'il y avait une participation possible des familles, à ce moment-là, le traitement serait beaucoup mieux accepté, les isolements et les quarantaines seraient beaucoup mieux réalisés et on aurait peut-être un meilleur contrôle de l'épidémie. C'est évidemment discutable et le débat au sein d'MSF est très intense. Hein. J'ai entendu cet avis, mais j'ai entendu d'autres gens d'MSF qui disent « Attendez, vous, le traitement dont on parle ne pourra jamais être donné par les familles et vous exposez les familles à un risque très élevé au contact de leurs proches et même toutes les explications que vous donnerez ne les permettront pas de les protéger complètement. » Mais je veux simplement dire que le débat est posé et qu'il n'est pas aujourd'hui simplement accepté par tous de dire on prend de force, on met en isolement et parce que voilà, il n'y a pas moyen d'autre. On sait que c'est terrible, mais on n'a pas d'autre choix. Donc je voulais voilà partager avec vous cette réflexion. Je terminerai simplement avec cette diapositive. Vous avez probablement vu la résolution, pas très bien voir, mais qui montre le maillage de routes extrêmement dense qui existe maintenant. Et sur cette dernière épidémie qui est en cours aujourd'hui, vous voyez qu'on est tout près du Rwanda, tout près de l'Ouganda, tout près du Sud-Soudan, et que finalement notre réflexion par rapport aux épidémies d'Ebola a complètement changé. Avant l'épidémie de 2013-2014, on avait, quand on voyait une nouvelle épidémie d'Ebola démarrer, on dirait au pire il y aura 200-300 cas, le plus souvent quelques dizaines de cas. On isole, on fait ce qu'on appelle du containment, on contient. Et ça passera. Et puis on s'est rendu compte à l'épidémie 2013-2014 que ça y est, des grandes capitales pouvaient être touchées, hein, avec une épidémie de 25 000 personnes, et que maintenant, cette nouvelle épidémie au Nord Kivu, on n'arrive pas au bout, qu'on est très proche de pays voisins, et qu'il va falloir qu'on s'habitue à une recrudescence d'épidémies de plus en plus difficile à contrôler parce que les populations sont de plus en plus nombreuses. Très vite, on arrive dans des villes. Là, il y avait une ville comme Beni, par exemple, qui a été touchée assez rapidement. Et donc, ça y est, dès qu'on est dans des densités de population en ville, le contrôle de l'épidémie devient vraiment, vraiment difficile. Et c'est vrai pour un virus comme Ebola, mais il y a d'autres virus comme Marburg, comme Lassa, comme la variole du singe, qui vont éventuellement nous poser les mêmes problèmes dans les années à venir. Et que la densité des populations, les zones urbaines, la connexion entre ces zones urbaines, les passages transfrontaliers font que ces épidémies vont très naturellement devenir de plus en plus difficiles à contenir. Et donc tout le travail qui est en cours aujourd'hui au Nord Kivu dans des conditions très difficiles est capital pour essayer de mieux comprendre quelles sont les solutions qu'on peut apporter. Je vous remercie. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le professeur Arnaud Fontanet, titulaire de la chaire annuelle Santé publique. Aujourd'hui, Ebola, une épidémie après l'autre. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos, les citations et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours du professeur Fontanet. Je vous recommande aussi la vidéo complète de ce cours et ses éclairants documents. Réalisation, Philippe Baudouin. Présentation et coordination, Meryl Moneghetti. Belle journée à l'écoute de France Culture.